Je sais ma vie, je l'ai ratée. Je sais ma vie, je l'ai gâchée. Mais laisse-moi au moins ma chance. Le cabaret chaud du Génération 80, rue Victor Nonnet à Jambes, vous propose le samedi 16 septembre, souper concert spécial fête de Wallonie. Le menu est fixé à 60 euros par personne, avec apéro maison, joute aux choux ou aux carottes, dessert, sorbet canari, péquet au choix, boissons comprises, soft, bière, vin et café. Le spectacle sera assuré par Claude Michel, suivi d'un show transformiste. Prenez vos renseignements et contacts au 0475 590 781. Cabaret show, spectacle du Génération 80. 0475 590 781. Des photos, des objets qui me parlent de toi. Aujourd'hui, il annonce beau aujourd'hui, mais on est un peu dans la panade avec le brouillard de ce matin. Et prochainement, on l'attend avec, pas impatience, mais bien le plus tard possible, c'est la neige. Alors nous allons écouter Étoile des neiges. Étoile de neige, l'apéritif musette un peu plus tôt que prévu, car à 10h, vous aurez bien sûr la rediffusion de la Facebook lustinoise, où là où vous retrouvez en direct Jean-François et Julos dans le studio mobile de Radio Chevaucheur, et puis vous aurez l'occasion, après-midi, d'écouter l'accordéon de Manu de Fleurs sur la 105.5, ce qui se passe à la guinguette des invités de Radio Chevaucheur le dimanche après-midi, et nous aurons Andoni qui viendra également nous chanter quelques chansons pour son spectacle du 24 novembre, où là vous pouvez prendre déjà votre carte de réservation pour le spectacle. Attention, les places sont limitées bien sûr. Et le 25 novembre, nous partirons pour les 50 ans de carrière de Cathy Minet qui sera à Astières, et là Radio Chevauchoir vous propose de mettre un autocar pour vous conduire jusque là. Et c'est un samedi à midi, alors si vous voulez réserver, vous pouvez déjà le faire. On va écouter un autre accordéoniste sur les antennes de Radio Chevauchoir avec ceci qui est de André Lope. Il est temps de rafraîchir votre chez vous et de vous laisser guider par un vrai pro de la peinture. Intérieur ou extérieur, Peinture Romain s'occupe de tout pour vous. Peinture Romain se rend chez vous pour vos devis et est tout à votre service. N'hésitez pas à le contacter via son Facebook pour toute information ou à son numéro de téléphone, le 0492 16 32 53. Et nous continuons l'apéritif musette en vous rappelant que demain, eh bien, vers 18h30, 19h, eh bien, vous aurez l'occasion d'écouter Eddie, c'est une nouvelle voix à Radio Chevauchoir. Il va faire un petit essai demain pour voir si ça lui convient. Et Sylvio, mais dorénavant, vous le retrouverez le mercredi soir à 17h30 sur les antennes de Radio Chevauchoir. Vous qui aimez bien Sylvio et que vous l'avez entendu plusieurs fois le lundi, et bien lui passe le mercredi à 17h30. Voilà, j'espère que vous avez pris un peu note des changements des émissions, et on écoute cette fois-ci un autre musicien, c'est Nicolas. L'apéritif musette depuis 8h30 de ce matin sur les antennes de Radio Chevauchoir, et bien sûr à 10h, vers 10h, nous aurons en direct la vieille boucle lustinoise, que j'espère que le soleil va arriver tout doucement, hein, après ce brouillard, car nous sommes dans le brouillard. Je ne sais pas chez vous si c'est le cas. Alors, on continue hein, cette émission avec, pour toutes les personnes qui sont à l'écoute de Radio Chevauchoir et qui ont peut-être leur anniversaire aujourd'hui. On va vous souhaiter un bon anniversaire. C'est par la voix des ondes de Radio Chevaucheur que je souhaite un bon anniversaire à Gabi qui le fête avec toute sa famille aujourd'hui et surtout avec sa fille. Autant de bisous, Gabi, que tu n'as de printemps de la part de ton amie Monique de Buzet. Merci Monique de ton appel et Monique offre bien sûr le prochain morceau à toutes ces scènes qu'elle cite habituellement dans cette dédicace. Besoin de s'évader le temps d'une journée ou d'une soirée? Si votre désir est de ravir vos papilles, Showroom vient vous partager son savoir-faire avec une cuisine à domicile, de bistronomie et de terroir. Showroom vous propose aussi des cours de cuisine chez vous en respectant les produits de saison. Réservez vite au 0496 42 54 05, 0496 42 54 05, ou sur la page Facebook Show_Rome. Ne manquez pas le concert exceptionnel du ténor espagnol Andoni Martinez, qui aura l'immense plaisir de vous interpréter Luis Mariano. Rendez-vous le 24 novembre dès 19h à la salle de la Nef à Namur. C'est également en première partie que vous pourrez applaudir Étienne Niquez et Vincent Rouard, le fameux duo Best Seller. Vous désirez vous rendre à ce rendez-vous, à ne pas manquer? Alors passez chercher en pré-vente vos places à notre studio au 7 rue du Chevauchoir, 5170, Lèves. Et Andoni sera bien sûr à Radio Chevaucheur cet après-midi si vous voulez venir chercher les cartes pour le 24 novembre. Et on vous rappelle que sur Radio Chevaucheur ce mardi matin, Jean-François recevra Monsieur Herman qui viendra parler de sa festivité qui aura lieu fin septembre et nous aurons à 11h le chanteur Claudio Picarella. Vous aimez l'accordéon? Rendez-vous dimanche prochain avec Jean-Yves Kinel à la guinguette de Radio Chevaucheur. Et pour l'émission d'accordéon, Flash Accordéon avec Viviane, 14h mardi. N'oubliez pas que nous sommes à Lustin aujourd'hui pour Radio Chevaucheur. Le studio mobile est en déplacement avec Gilles et Jean-François qui sont là-bas. À 10h, vous aurez la rediffusion de tout ce qui se passe sur la place de Lustin. Et bien sûr, le 30 septembre, oui, je dis bien, nous serons en déplacement à Warsaw. Alors, si le cœur vous en dit, vous pouvez venir nous rejoindre et bien sûr, il y aura un jeu bingo à l'occasion de cette sortie et le bingo sera gratuit avec de l'eau et bien sûr de l'animation musicale tout au long de la journée car nous sommes là depuis 10h le matin. Franck Salé qui va nous jouer une autre chanson, la belle viennoise pour tous les amateurs d'accordéon et n'oubliez pas que Cathy Minet fête ses 50 ans de carrière le 25 novembre et vous avez la possibilité d'aller lui rendre un petit bonjour grâce à Radio Chevaucheur en autocar. Si vous voulez aider, le départ se fait ici au studio. La belle viennoise. L'apéritif musette depuis 8h30 ce matin jusqu'à 10h et vous écoutez bien sûr Radio Chevauchoir. Et à 10h, nous aurons le direct depuis Lustin. Restez branchés et informés, www.radiochevauchoir.be ou sur notre page Facebook Radio Chevauchoir. Pour remettre le bonjour à toute la grande chaîne de Radio Chevaucheur, à Josette Francine, Michel de Fontaine, Michine de Bois-Dillers, Daniel et Monique de Florène, Josiane de Floref, Willy-Marie-José, Eliane de Wépion, Josette et Émile, et toutes les personnes malades, un bon rétablissement de la part d'André et Michel de Fossaville. Merci de votre appel, bonne journée, et pour vous, on écoute le tango de l'éléphant. Vous pouvez soutenir votre radio de différentes manières. 20€ par an pour Internet. Vos cartes de soutien à partir de 6€. Devenez marraine ou parrain, 3€ pour une émission du mois. Vos dédicaces au 0900 10 257, mais aussi en achetant vos cartes 10€ pour le carton de 12 dédicaces. Prenez vos renseignements au 0477 59 48 43 et soutenez votre SBL. J'espère que vous avez passé une heure et demie d'accordéon de bon matin sur les antennes de Radio Chevaucheur en ma compagnie. Dans quelques instants, nous allons retrouver la vieille boucle lustinoise. On vous souhaite de passer une bonne matinée, bonne journée en ce dimanche 3 septembre et bonne rentrée. On vous rappelle que demain matin, vous serez en compagnie de Marie-Jo et Julius à 10h, à 14h, Claudine, et nous aurons Anthony, notre invité de lundi après-midi, qui viendra parler de son spectacle du 24 novembre. Et puis, vers 18h30, vous allez entendre un nouvel arrivant, il s'appelle Eddy. Silvio, ce sera le mercredi à 17h30. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci, au revoir.